Du haut de tes 3 ans, tu rayonnes superbe. Dans l'environnement d'amour et d'affection, de papa, de maman et toi, de vrai rêve, tu tourbillonnes sur toi comme un beau papillon. Si ton emploi du temps maintenant se partage entre la maternelle et la douceur du lit, quand tu guides le soir en bas de ton âge, tu retrouves joyeux les jouets et tes amis. Ta collection d'automne, ta collection d'auto qui s'agrandit sans cesse, assorbe tout le temps de ton amusement. Le bon Papa Noël qui connaît ton adresse va l'enrichir, je pense, de nouveaux arrivants. Tes plaisirs extérieurs sont nombreux et variés, mais ce sont les manèges qui ont ta préférence. Et papa vient des fois s'efforce à t'arracher aux vertes corriges des tours qui font ta jouissance. Puis petit à petit, les trésors du savoir vont ouvrir ton esprit aux lentes connaissances. Ainsi tout doucement, des matins jusqu'au soir, nous verrons tous grandir ta jeune intelligence. Et tes gris babillages de soir au téléphone nous remplissent de joie, de tendresse et d'amour. Instant privilégié, instant que Dieu nous donne et qui reste gravé dans nos cœurs pour toujours.